بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Quand adviendra l'événement ? ليس لوقعتها كاذبة. Nul ne pourra en repousser la survenue. خافضة الرافعة. Il ravalera les uns et élèvera les autres. إذا رجت الأرض رجا. Quand la terre sera ébranlée d'un fort ébranlement. وبست الجبال بسا. Que les montagnes seront entièrement pulvérisées. فكانت هباء منبثا. Et seront alors poussières dispersées. وكنتم أزواجا ثلاثة. Vous vous diviserez alors en trois groupes. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. D'abord, les gens de la dextre. Mais que sont les gens de la dextre ? وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Puis, les gens de la senestre. Mais que sont les gens de la senestre ? والسابقون السابقون. Enfin, les précurseurs vers la foi et l'accomplissement des œuvres pies ici-bas seront les précurseurs vers les récompenses de l'au-delà. أولئك المقربون. Ceux-là seront les plus rapprochés d'Allah. في جنات النعيم. Dans les jardins des délices. ثلة من الأولين. Nombre seront choisis parmi les générations premières. وقليل من الآخرين. Et peu seront choisis parmi les générations qui ont suivi. على سرر موضونة. Ils se reposeront sur des lits incrustés d'or. متكئين عليها متقابلين. Et seront accoudés face à face. يطوف عليهم ولدان مخلدون. Parmi eux circuleront des jeunes serviteurs faits éternels. بأكواب وأباريق وكأس من معين. Portant des coupes, des brocs et un verre rempli d'un vin coulant d'une source intarissable. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Qui ne leur donnera pas le moindre mal de tête, ni ne les fera divaguer. وفاكهة مما يتخيرون. Et il y aura aussi des fruits à leur goût. ولحم طير مما يشتهون. La chair de volaille dont ils auront envie. وحور عين. Et des houris aux grands yeux noirs. كأمثال اللؤلؤ المكنون. Telles des perles soigneusement conservées dans leur coquillage. جزاء بما كانوا يعملون. Voilà la récompense de leurs œuvres ici-bas. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Ils n'y entendront ni discours futile, ni propos injurieux. Mais seulement paix, paix, salam, salam. Les gens de la dextre, mais que sont les gens de la dextre ? في سدر مخضود. Ceux-là seront parmi des lotus sans épines. وطلح منضود. Et des fleurs d'acacia, bellement disposées. وظل ممدود. Sous des ombres qui s'étendent. وماء مسكوب. Auprès d'une eau coulant sans cesse. وفاكهة كثيرة. Et des fruits à profusion. لا مقطوعة ولا ممنوعة. Ni introuvable, ni défendu. وفرش مرفوعة. Et il y aura pour eux des lits élevés. إنا أنشأناهن إنشاء. Nous les avons véritablement créés d'une création nouvelle. Et nous en avons fait des vierges éternelles. Pleines de tendresse et toutes du même âge. À l'intention des gens de la dextre. ثلة من الأولين. Nombre seront choisis parmi les générations premières. وثلة من الآخرين. Et nombre seront choisis parmi les générations qui ont suivi. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. Quant aux gens de la Senestre, mais que sont les gens de la Senestre? في سموم وحميم. Ils seront au sein même du souffle infernal et baigneront dans l'eau bouillante. وظل من يحموم. Dans l'ombre d'une fumée épaisse et noire. لا بارد ولا كريم. Ni fraîche, ni clémente. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. Avant cela, ils étaient dans l'opulence. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. Et s'obstinaient dans le comble du péché. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. Ils disaient: une fois que nous serons morts, réduits en poussière et ossements, serons-nous vraiment ressuscités? Et les premiers de nos ancêtres aussi. Dis, les premiers et les derniers, لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Seront tous réunis pour le rendez-vous d'un jour déjà connu. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. Puis vous, les égarés, les négateurs. لآكلون من شجر من زقوم. Vous mangerez certainement de l'arbre de Zakkoum. فمالئون منها البطون. Et vos ventres en seront pleins. فشاربون عليه من الحميم. Puis vous ingurgiterez en plus une eau bouillante. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ dont vous boirez goulûment, ainsi que des chameaux qui meurent de soif. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ tel sera le repas d'arrivée au jour de la rétribution. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ nous vous avons créé, pourquoi ne croirez-vous donc pas à votre résurrection ? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ m'avez-vous considéré ce que vous éjaculez ? أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ est-ce vous qui le créez ou est-ce nous le créateur ? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. C'est nous qui avons décrété la mort parmi vous, et personne ne nous précédera. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Pour vous remplacer par d'autres comme vous, ni pour vous recréer en ce que vous ne sauriez connaître. Vous avez pourtant connu la première création. Que n'y réfléchissez-vous pas ? Ne voyez-vous pas ce que vous labourez ? Est-ce vous qui en semez les graines, ou est-ce nous le semeur ? Si nous voulions, nous en ferions un amas de débris et vous n'en croiriez pas vos yeux. Nous voilà criblés de dettes. Ou nous voilà plutôt ruinés. Ne voyez-vous pas l'eau dont vous buvez ? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Est-ce vous qui l'a fait descendre des nuages ou est-ce nous qui le faisons لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Si nous voulions nous en ferions une eau saumâtre. Que n'êtes-vous donc reconnaissant ? Ne voyez-vous pas le feu que vous allumez ? Est-ce vous qui avez créé l'arbre ? Qui permet de l'allumer ? Ou est-ce nous, le Créateur ? Nous avons fait du feu un rappel et un élément au service des hommes. Rends donc gloire au nom de ton Seigneur, le Très Grand. فلا أقسم بمواقع النجوم. Non, j'en jure par les positions des étoiles. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Et voilà le plus solennel des serments, si vous saviez. إنه لقرآن كريم que c'est certain Coran noble في كتاب مكنون en un livre protégé. لا يمسه إلا المطهرون et que ne touche que les purifiés. تنزيل من رب العالمين c'est là une révélation du Seigneur de l'univers. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون est-ce donc à ce discours-là que vous refusez de croire وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Serait-ce là votre manière de reconnaître les bienfaits que de tenir le Coran pour un mensonge? فلولا إذا بلغت الحلقوم Lorsqu'avant d'être rendu, l'âme remonte jusqu'à la gorge. وأنتم حينئذ تنظرون Alors que vous êtes là à regarder. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبَصِرُونَ Et que nous sommes plus proches du mourant que vous ne l'êtes, mais vous ne le voyez pas. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ Pourquoi donc, si vous n'avez pas vraiment à payer pour vos œuvres ? ترجعونها إن كنتم صادقين. Ne la faites-vous pas revenir si vous êtes sincères dans vos dires. فأما إن كان من المقربين. Si le défunt est du nombre des privilégiés. فروح وريحان وجنة نعيم. Il y aura alors pour lui repos, grâce et jardin des délices. وأما إن كان من أصحاب اليمين. Et s'il est du nombre des gens de la dextre. فسلام لك من أصحاب اليمين. Alors, paix à toi, lui sera-t-il dit. Ô toi qui fais partie des gens de la dextre. وأما إن كان من المكذبين الضالين. Et s'il est du nombre des négateurs fourvoyés. Il sera l'hôte de l'enfer, où il sera abreuvé d'eau bouillante. Et où il brûlera dans la fournaise. Telle est la véritable certitude. Rends donc gloire au nom de ton Seigneur, le Très Grand.